بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par la nuit, quand elle enveloppe tout. Par le jour, quand il éclaire. Et par ce qu'il a créé, mâle et femelle. Vos efforts sont divergents. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et à rien ne lui serviront ses richesses quand il sera jeté au feu. C'est à nous, certes, de guider. À nous appartient, certes, la vie dernière et la vie présente. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe. Où ne brûlera que le damné. Qui dément et tourne le dos. Alors qu'en sera écarté le pieux. Qui donne ses biens pour se purifier. Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé. Mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait.